Lucille, donc ta présentation s'intitule « Les conséquences nationales de l'internationalisation d'aide et du travail associatif ». Tu es donc sociologue, aujourd'hui en post-doctorat au CERMES, au Centre Léon Bérard, si je ne me trompe pas. Et là, tu vas nous parler de ta thèse qui a porté sur le travail de aide, notamment en Afrique. Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation à ces journées et merci de la présentation, Fanny. Je ne vais pas en dire plus, surtout qu'en fait, je vais revenir ensuite sur ma thèse plus précisément. Donc, ça sera l'occasion que vous identifiez un peu plus ce sur quoi j'ai travaillé. Et du coup, oui, moi, je fais un sacré pas de côté par rapport à l'histoire locale stéphanoise de la lutte contre le sida. Puisque je vais vous parler un peu de cette histoire de l'internationalisation d'aide et à travers le cas d'aide aussi d'une histoire un peu plus mondiale de la lutte contre le sida. Et je me suis dit pour commencer en introduction que dans un contexte actuel de crise importante des financements, voire très importante des financements de l'aide internationale contre le sida et de manière plus générale de l'aide internationale tout court, ce dont moi je vais vous parler aujourd'hui pourrait, à l'aune de la situation actuelle, être qualifié d'âge d'or de l'action publique collective et internationale contre le sida. Puisque donc je vais vous parler d'une période à partir de la fin des années 90, surtout, même si je remonterai un petit peu avant, qui est celle donc de l'internationalisation d'aide et plus généralement de l'internationalisation de la lutte contre le sida et des actions des associations françaises de lutte contre le sida. Comme le disait Fanny, l'idée, c'est qu'à partir de ce cas-là, ça soit aussi un exemple de la manière dont la sociologie, et en particulier la sociologie des mobilisations, qui est un peu la spécialité, le sous-champ disciplinaire dans lequel je m'inscris dans le cadre de ma thèse. Donc cette sociologie des mobilisations, dans une perspective socio-historique, permet de contribuer à documenter différentes choses. Notamment, une première chose, c'est comment l'action publique et l'action collective sont intrinsèquement imbriquées et interdépendantes dans le domaine du VIH, mais pas que. Mais aussi comment les échelles d'action, qu'elles soient collectives ou d'action publique, sont elles aussi connectées, imbriquées. L'idée, c'est de vous montrer que l'action internationale a eu des effets donc au niveau national en ce qui concerne l'histoire de aide. Ça a été un des domaines d'action, le niveau international ou l'échelle internationale, qui s'est formalisé dans cette période post-traitement à la fin des années 90, dont parlait Gabriel hier, et qui participe aux reconfigurations associatives qui se mettent en place à partir au moment où les traitements, les trithérapies sont mises sur le marché. Donc pour aide, cette internationalisation, ça a contribué à renforcer sa centralité dans l'espace associatif SIDA français et ses relations avec les pouvoirs publics, différents éléments du coup sur lesquels je vais revenir dans le cadre de cette présentation. Et je n'ai pas lancé mon chronomètre. Et puis c'est des éléments, c'est cette dimension un peu extra-nationale de l'action associative française de lutte contre le sida qui ont peu été étudiées par la recherche en sciences sociales et que ma thèse proposait du coup de participer à nourrir du coup. Et l'idée aussi, c'est d'illustrer à partir de ce cas précis comment l'action internationale, c'est pas que des activités qui sont menées à l'étranger, dans des pays africains là notamment, hors des frontières du coup françaises ou dans des organisations internationales. C'est aussi des acteurs associatifs qui, en France, participent à asseoir des positions, à s'inscrire dans des débats qui dépassent certes les frontières nationales, mais qui aussi concernent des enjeux nationaux et qui contribuent à la mise en œuvre d'activités, certes à l'étranger, mais depuis la France. Donc c'est donc un exemple de l'importance de localiser l'action publique et associative dite internationale ou transnationale. Donc un petit mot sur ma thèse. Donc j'ai terminé ma thèse en 2020 à Paris-Nanterre, qui portait donc sur l'action associative franco-africaine de lutte contre le sida, à partir du cas d'étude de aide et de ses partenariats qui ont été mis en place avec des associations africaines. Je me suis particulièrement intéressée à un réseau informel qui a été créé en 2007 et qui était nommé à l'époque Africa Gay contre le sida. Ce réseau, il a été initié, financé et coordonné par AIDE durant une dizaine d'années à une période où, en 2007, quand il est créé, pour vous donner des éléments de contexte quand même, la cause homosexuelle sur le continent africain, ça devient une nouvelle priorité des politiques mondiales de lutte contre le sida. C'est un moment où des premières recherches objectives à cette période, l'importance et l'ampleur des transmissions homosexuelles du VIH sur le continent. Jusque-là, il n'y avait aucune étude qui documentait ça, on ne se posait pas la question, et l'homosexualité sur le continent africain n'était pas un sujet dans les politiques internationales de lutte contre le sida. Donc ce réseau Africa Gay contre le sida, il s'appelle d'abord Africa Gay, puis quelques années après il est renommé Africa Gay contre le sida. Il est constitué d'une vingtaine d'associations africaines notamment et de aides. Et il se mobilise en faveur d'une meilleure prise en compte du coup des homosexuels dans les politiques de lutte contre le sida des États africains et aussi pour rendre visible plus généralement cette question. Parmi les associations qui sont membres de ce réseau, je vous ai mis une petite carte tirée de ma thèse qui présente les différentes associations membres. Je ne sais pas si c'est très lisible. En tout cas, c'est pour vous donner une idée des pays dans lesquels il est représenté. La moitié des associations membres du réseau étaient en fait partenaires et menaient des actions en collaboration avec AIDE depuis la fin des années 90, en fait. Et donc, pour comprendre les conditions d'émergence et ce que produit ce réseau Africa Gay contre le sida, il fallait comprendre en fait plus généralement quelle était l'histoire de ces collaborations avant même la création du réseau. Et donc, c'est pour ça que, à la fin de ma thèse, en fait, en ce qui concerne ma méthode, j'ai suivi moi les activités de ce réseau pendant 3 ans, donc ces réunions dans des pays africains 2 ou 3 fois par an, le travail des salariés de AIDE spécifiques depuis le siège de AIDE à Pantin pour mener et coordonner ces activités. Mais en fait, à la fin de mon terrain d'enquête, je me suis dit qu'il fallait donc que je m'intéresse et que je prenne un point de vue davantage socio-historique et que je retrace l'histoire de ces partenariats. Et donc, j'ai mené 80 entretiens dans ma thèse, donc je ne sais pas comment ça représentait d'entretien, cette dimension socio-historique, mais en tout cas, j'ai mené des entretiens semi-directifs avec des acteurs associatifs africains et français qui avaient été investis dans ces collaborations depuis la fin des années 90, avec des témoins historiques de l'intervention étrangère d'AIDE, par exemple des membres d'autres associations françaises, des représentants d'institutions sanitaires, de bailleurs de fonds, etc., etc. Et puis, j'ai fait un travail d'exploration des archives de l'association AIDE qui ont été versées aux archives nationales et aussi des archives numériques de plusieurs des salariés d'AIDE qui m'avaient mis à disposition leurs archives. Donc, pour commencer, je reviens un peu sur des choses qui ont été dites déjà hier, donc je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais pour vous présenter un petit peu AIDE, et c'est important de le préciser, ces dimensions-là, pour comprendre aussi la suite. Dès sa création en 84, ou même avant sa création, les orientations de l'association, elles sont déterminées dès le départ par des exemples étrangers, notamment états-uniens et anglais. À l'été 84, quelques mois avant la mort de Foucault, Daniel Defer, donc son compagnon, on l'a dit hier, qui est à l'origine de la création de l'association, il fait un voyage à Londres et à cette occasion, il rencontre des militants et des militants, principalement l'association Terence Higgins Trust, qui a été créée 2 ans plus tôt, en 82. Et qui s'est créée sur le modèle d'une autre association, cette fois-là états-unienne, qui s'appelle le Gay Men's Health Crisis, qui a été créée à New York, qui est un peu une association pionnière ce type d'organisation qu'on a appelé aussi des AIDS Service Organization, des ASSO, qui se crée au début des années 80 et qui œuvre spécifiquement en direction des hommes homosexuels dans une dynamique d'autosupport, de soutien, etc., etc. Donc, Daniel Defer, en créant AIDE, s'inspire d'une certaine manière de ces organisations, avec une grande différence par contre, c'est qu'il décide de ne pas œuvrer spécifiquement en direction des homosexuels, même si c'était son projet initial qui a été critiqué et qui a fait qu'il ne l'a pas fait. Mais en tout cas, c'est davantage autour d'une figure généraliste du malade, de la personne vivant avec le VIH, que se construit l'identité collective de l'association. Et non pas donc autour de la valorisation d'actions prioritairement axées en direction des hommes homosexuels. Ce positionnement généraliste, Il est assez singulier dans le paysage, donc je le disais, des mobilisations nord-américaines et ouest-européennes de lutte contre le sida dans les années 80. Et ça participe au phénomène français qui a été cité un peu hier de déshomosexualisation du sida dans les premières années de l'épidémie en France. Cette approche généraliste, elle est complétée par une approche donc communautaire. Gabriel en a parlé hier, donc pareil, je ne vais pas trop prendre de temps là-dessus. Mais l'idée, c'est que l'association, elle assoit sa légitimité à porter, à représenter les malades en valorisant donc cette approche communautaire. Et pour Daniel Defer, initialement, la dimension communautaire, ça renvoie à trois formes de proximité. Et je vous ai mis, pareil, je ne sais pas si c'est très visible, mais c'est l'extrait d'un fameux discours qu'il a prononcé en 89 lors de la conférence mondiale du sida à Montréal, qui s'appelle « Un nouveau réformateur social, le malade », et dans lequel il explicite un peu ce qu'il considère comme étant l'approche communautaire de AIDS, donc construite autour de trois principes de proximité, une proximité sociale, une proximité territoriale et une proximité politique entre les membres d'AIDS et les personnes séropositives et les usagers et usagères de l'association. Ces trois dimensions qui sont présentées là, du coup, dans la slide. Et ces trois principes-là, c'est des principes fondateurs qui conditionnent un peu l'organisation de AIDS et son fonctionnement, puisque c'est appuyer sur ce principe de proximité territoriale que des antennes locales sont créées sur tout le territoire français. C'est sur ce principe de proximité sociale et politique que les personnes séropositives participent aux actions et au pilotage d'AIDS en position du fait en tant que volontaire. Volontaire, ça a été aussi notifié hier dans d'autres présentations. Et donc à AIDS, ce sont ces volontaires qui s'engagent bénévolement dans les activités et dans le pilotage de l'association et qui ont des proximités sociales, politiques, cognitives avec les personnes séropositives, souvent elles-mêmes concernées en fait par le VIH. Donc l'approche communautaire à AIDS, c'est encore un élément de distinction fort d'AIDS vis-à-vis d'autres associations françaises de lutte contre le sida. Même si Gabriel l'a dit hier, cette notion, ses contours sont malléables, sont adaptés et dépendent des situations, des périodes et des acteurs qui la mobilisent. Mais ça continue d'être un élément distinctif fort dans l'espace associatif sida français. Et c'est également cette forte identité communautaire, en fait, cette forte dimension communautaire qui va être promue à l'international dans le cadre des collaborations et des soutiens qui vont être mis en place auprès d'associations de lutte contre le sida, en Afrique notamment. Et donc cette prise de position communautaire et généraliste dans l'espace sida français participe également à la légitimation d'aide auprès des pouvoirs publics dans les années 90, et notamment dans le cadre des actions internationales. C'est ce sur quoi je reviens maintenant. Donc l'internationalisation d'aide, au départ, ça repose surtout sur les positions centrales de ces leaders dans des organisations et des instances d'organisation internationales. Au travers de ces dirigeants, aide rapidement devient une des organisations qui représentent la France et les personnes séropositives dans ces organes internationaux. AIDS devient aussi rapidement l'interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics français investis dans le VIH à l'international. Donc autrement dit, en mobilisant des notions davantage de sociologie et de sociologie politique, AIDS va progressivement occuper une position d'experte associative dans le champ du pouvoir français investi sur le sida à l'international. Cette position-là, centrale, elle est notamment liée à deux éléments. Le premier, c'est les proximités sociales qu'entretiennent les dirigeants associatifs d'aide avec les élites politico-administratives françaises en charge des questions de santé et de sida. Le deuxième élément qui explique cette position centrale d'aide, c'est le tournant participatif des politiques internationales de lutte contre le sida dans les années 90, qui va profiter à aide et à son approche communautaire et qu'elle va par ailleurs promouvoir. Donc je reviens sur ces deux dimensions. Dès les premières années de l'association, sous la présidence de Defer, des activités à l'international sont lancées. Au début, ça reste très informel. C'est quelques collaborations à la fin des années 80, notamment au travers de formations au Maroc, notamment, surtout en fait, avec l'association marocaine de lutte contre le sida, la LCS. Mais ces actions, elles restent très, encore une fois, informelles, peu fréquentes, peu formalisées. L'action internationale à cette époque, donc, ça consiste surtout à la représentation de l'asso dans des instances internationales, je le disais. Par exemple, en 89, Daniel Defer y siège à la Commission mondiale du SIDA de l'Organisation mondiale de la santé, qui a été créée cette année-là. Pas l'Organisation mondiale de la santé, hein, mais la Commission mondiale du SIDA. Et il prend cette place, appuyé et soutenu par Jonathan Mann, qui est un médecin états-unien, qui a dirigé le premier programme SIDA de l'OMS, et dont Daniel Defer est proche. Mais c'est surtout au milieu des années 90 que cette légitimation d'aide comme experte associative à l'international prend de l'ampleur. Et pourquoi au milieu des années 90 ? Parce que notamment il y a un événement important pour un événement important dans la politique mondiale de lutte contre le sida, qui est en 94, qu'on a appelé le sommet sida de Paris. Je vous ai mis une photo à gauche, où il y a Balladur, je crois, au centre, et d'autres représentants et chefs d'État qui se réunissent donc pendant ce sommet SIDA de Paris, qui a été co-organisé par l'OMS et par le gouvernement français, notamment le MAE et le ministère de la Santé, au travers de Simone Veil, qui est à l'époque ministre de la Santé. Et cette rencontre, donc, elle regroupe des chefs d'État qui signe une déclaration dans laquelle il et elle s'engagent à, je cite, « soutenir une plus grande participation des personnes vivant avec le VIH-SIDA à la formalisation des politiques publiques qui les concernent ». Cette déclaration, qui est appelée aussi JIPA, c'est l'acronyme en anglais, ça marque l'institutionnalisation de la prise en compte des malades dans les politiques de lutte contre le SIDA. Ça s'inscrit dans un contexte plus général d'institutionnalisation de la participation de ce qu'on appelle la société civile ou des personnes concernées aux différentes politiques qui les concernent. Cette idée de participation, ça devient un critère incontournable de toute action publique de coopération internationale et plus largement. Et donc, dans le cadre de ce sommet SIDA, AIDE va avoir une place importante, puisqu'elle va contribuer à la préparation du sommet pendant l'année qui y précède. Un de ses salariés va être mis à disposition de la coalition interassociative qui se crée à ce moment-là pour garantir que des représentants d'associations de pays du Sud participent à ce sommet, en tout cas aux événements qui sont mis en place autour du sommet. Il y a un bureau des locaux de AIDE à Paris qui est dédié à l'organisation du sommet SIDA. Enfin, il y a un vrai investissement fort de AIDE à ce moment-là autour de l'organisation du sommet. À ce moment-là, c'est plus Daniel Defer qui est président, c'est une autre personne dont on a cité le nom hier, qui est Arnaud Marty-Lavozelle, qui est le président donc, de l'ASSO depuis 91 et qui va, lui, par ailleurs, énormément pousser aussi les actions internationales d'AIDE. Il est lui-même socialisé aux enjeux internationaux, pas forcément que liés au SIDA, mais c'est un psychiatre, on l'a dit hier, qui est ouvertement séropositif. Par ailleurs, c'est le premier président de l'ASSO qui est ouvertement séropositif. Du coup, il a une expérience forte internationale. En 68, quand il est étudiant encore en médecine, il part au Biafra, par exemple, avec Bernard Kouchner pour faire des actions humanitaires. Et donc, à la suite de ce sommet SIDA, Arnaud Marty-Lavozelle et le salarié qui s'est investi pendant un an dans la préparation du sommet, accompagné d'autres membres de l'association, décide de formaliser l'action internationale de AIDE et crée le premier département des actions internationales quelques mois après le sommet SIDA en 95. Et ce département des actions internationales commence à mettre en place des activités un peu plus régulières sur le continent africain essentiellement. Durant les premières années, il y a quelques activités qui sont mises en place en Espagne, en Europe de l'Est, en Russie ou en Turquie, mais ça ne va pas durer très longtemps. Et c'est vraiment essentiellement sur le continent africain que vont être mises en place des activités. Ça va être mis en place avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et d'ONU SIDA, qui vient d'être créé quelques mois plus tôt. Et en 98 est créé le réseau Afrique 2000, dont je vous ai mis une plaquette promotionnelle du réseau sur la slide. Bon, elle date de 2007, cette plaquette, donc 10 ans après la création du réseau. Ce réseau, c'est un réseau informel aussi, qui réunit de nombreuses associations, au début une dizaine et puis à la fin une trentaine d'associations d'Afrique essentiellement francophone, au début Afrique de l'Ouest, puis après ça s'étale un peu. Et aide, du coup, qui coordonne le réseau. Et du coup, au travers de ce réseau, ils mettent en place des formations sur la prévention, la prise en charge, des rencontres interassociatives, des envois et des dons aussi de trithérapie, puisque en 96, les trithérapies sont mises sur le marché en Europe et en Amérique du Nord, mais pas du tout dans les pays du Sud. Et donc, jusqu'au début des années 2000, avant qu'il y ait vraiment que l'accès aux trithérapies commence dans les pays du Sud, les militants et militantes françaises envoient en fait des médicaments et des trithérapies aux militants associatifs des assos africaines. Et il y a aussi des jumelages qui sont mis en place, c'est pour ça que je posais la question hier pour Saint-Étienne, entre des antennes locales de aide et des associations africaines pour des échanges d'informations, des formations, des stages en France de militants et militantes africaines ou aussi des envois de trithérapies. Et donc, ces premières années d'action internationale d'aide, on assiste à l'émergence d'une solidarité franco-africaine entre aide et des partenaires du continent africain, avec le soutien des administrations françaises et internationales qui sont investies sur ce sujet et qui parfois même mandatent aide. Par exemple, en 1996, l'ONU-SIDA et l'UMAE mandatent aide pour une mission en Afrique de l'Ouest pour essayer d'identifier des associations de lutte contre le SIDA et les poussent à créer un réseau à une période où, en fait, on veut soutenir des collectifs. Il y a eu encore une fois il y a encore une fois l'idée que la participation des malades, c'est la manière clé. On a besoin de ça du côté de l'action publique et du coup, il y a un soutien fort des institutions autour de ça. Donc ce soutien, il opère donc encore une fois dans un contexte d'institutionnalisation de la participation des malades. Et puis, une autre chose, c'est qu'à la suite de Defer, Arnaud Marty-Lavozel, il occupe lui aussi différentes positions centrales dans les organisations internationales. Je ne vais pas tout vous citer parce que ça serait long, mais quelques-unes qui sont, je trouve, assez exemplaires. En 1995, l'ONU-SIDA vient d'être créée, donc il y a une instance onusienne dédiée au VIH. Arnaud Marty-Lavozel, il est nommé représentant des personnes vivant avec le VIH et des ONG du Nord dans le premier conseil de coordination de l'ONU-SIDA. En 1998, il n'est plus président de AIDE, mais il continue à s'investir sur les actions internationales de manière bénévole. Il prend part à la politique volontariste du gouvernement français sur l'accès au traitement, puisque Bernard Kouchner crée ce qu'on appelle le Fonds de solidarité thérapeutique international pour essayer de mobiliser les États et des financements pour l'accès au traitement dans les pays du Sud. Et Arnaud Marty-Lavozel, fait partie du comité d'orientation de ce fonds-là. En 2001, il est également mandaté, envoyé par le MAE, le ministère des Affaires étrangères, pour rejoindre le secrétariat transitoire du Fonds mondial qui va être créé 2 ans plus tard. Et en 2003, il pousse à ce que le nouveau DG, directeur général d'aide, soit élu comme représentant de toutes les ONG dans le Fonds mondial. Et un an après, cette personne, elle est même élue vice-présidente du Fonds mondial, le DG de aide. Donc les premiers temps de l'internationalisation d'aide, ça se caractérise donc par une solidarité, je vous le disais, franco-africaine peu formalisée à une période d'absence de traitement sur le continent africain. Une solidarité dans laquelle s'investissent à la fois des salariés du département, mais aussi les dirigeants de l'association et également les volontaires et les salariés des antennes locales à travers les jumelages. Il y a aussi donc un appui des administrations centrales en charge de la politique étrangère anti-SIDA. Du coup, au travers de son équipe dirigeante, qui sont Daniel Defer, Arnaud Marty-Lavozel ou encore le DG d'Aide qui devient vice-président du Fonds mondial, Aide occupe très tôt une place centrale dans le marché de l'expertise internationale liée au SIDA. Ces dirigeants y cumulent des capitaux à la fois militants en tant que représentants d'aide, des capitaux internationaux, culturels, c'est des universitaires, des médecins, des capitaux sociaux du fait de leur proximité et de leur connexion avec les élites politico-administratives. Et donc, cette multipositionnalité aussi de ces différents dirigeants, ça renforce le rôle d'experte associative d'aide auprès des pouvoirs publics français mobilisés sur ce sujet. Voilà pour cette première période. Deuxième période, c'est une période donc de professionnalisation d'aide dans le monde de l'aide internationale qui produit une forme de déconnexion avec le travail associatif national. Parce qu'à partir de 2000, il y a plusieurs changements des orientations globales de lutte contre le sida. Premièrement, il y a un accord progressif au niveau mondial de la nécessité de financer l'accès aux trithérapies dans les pays du Sud. Jusque dans les années 2000, une majorité des représentants des États occidentaux, sauf la France et quelques autres, et des bailleurs de fonds considéraient que ce qui était le plus efficace en Afrique pour lutter contre le VIH, c'était la prévention et pas l'accès au traitement. Et puis, progressivement, au début des années 2000, il y a un accord un peu commun autour du fait que, en fait, c'est bien de donner accès aux trithérapies dans les pays du Sud. Et donc, il y a un changement de paradigme assez important. Deuxième élément de changement important au début des années 2000, c'est que le sida, il est intégré aux objectifs mondiaux du développement. C'est objectif du millénaire pour le développement. Et ça, c'est pas juste l'intégration dans un texte basique, quoi. C'est aussi la promotion d'une gestion néo-managériale du sida et plus généralement de l'aide internationale. Parce que, à travers ces objectifs du millénaire pour le développement, ce qui est promu aussi, c'est des outils et des instruments de gestion axés sur les résultats et sur l'efficacité budgétaire de l'aide. Autre changement aussi, c'est qu'il y a un nouveau cadrage au niveau international du sida, un cadrage sécuritaire. Et ça veut dire que dans un contexte où l'épidémie de sida, elle flambe en fait sur le continent africain, on se rend compte que ça peut produire une forme de menace internationale, une menace de déstabilisation. Et notamment, les États-Unis prennent conscience de ça et flippent un peu, hein, d'une certaine manière. Et donc ça va aussi produire un certain nombre de changements dans les politiques mondiales de lutte contre le sida. Et notamment, tout ça conduit à ce que soient créés de nouveaux financements, de nouveaux dispositifs de financement, multilatéraux et bilatéraux, donc le Fonds mondial qui est créé en 2003, mais aussi des fonds bilatéraux comme le PEPFAR, qui est le Fonds bilatéral états-unien de coopération internationale dédié au sida, notamment en Afrique. Et donc, dans ce contexte un peu général, les assos françaises de lutte contre le sida, elles sont davantage encore plus poussées en fait par les pouvoirs publics pour agir à l'international et sur le continent africain. Il y a une concurrence en fait qui se met en place entre les assos françaises autour pour l'accès à des financements qui s'ouvrent et qui se multiplient dans les politiques de coopération françaises autour de ces enjeux. Et donc, ça a deux effets principaux sur l'action de aide. Et notamment au niveau national, la première chose, c'est que ça conduit à une salarisation très importante du département des actions internationales, et avec un changement de profil en fait des salariés de ce département-là entre la fin des années 90 et la fin des années 2000. Et le deuxième changement, ce que ça va produire, c'est une déconnexion des activités internationales avec le reste du fonctionnement de l'association sur le territoire national. Donc je reviens sur cette salarisation. En termes de chiffres, on a une augmentation assez importante du coup du nombre de salariés en 10 ans, puisque fin des années 90, il y a 3 salariés dans le département des actions internationales, et en 2012, il y a 12 salariés. Et en ce qui concerne le changement de profil des salariés, on assiste... À la fin des années 90, quand Arnaud Marty-Lavozel part de son mandat de président, en fait, les 3 salariés du département des actions internationales partent aussi. Et ils expliquent aussi en entretien que c'est du fait d'un épuisement militant, en fait, et d'une forme aussi de perte de sens, d'une certaine manière. Ça peut paraître un peu paradoxal après l'arrivée des trithérapies, où on n'est plus dans l'urgence. Et en fait, il y a une perte de sens aussi du travail associatif. C'est des choses qui ont été montrées par ailleurs par d'autres travaux de sciences sociales. Mais ces 3 salariés-là, de cette première vague de salariés, je les ai appelés les volontaires salariés. C'est des personnes qui ont été, qui ont porté à un moment ou un autre de leur expérience à aide ces 2 casquettes de salariés et de volontaires. Soit ils ont d'abord été volontaires et ensuite ils ont été salariés, soit ils ont porté ces 2 casquettes simultanément. Ils n'ont pas de formation, ces 3 salariés-là, dans le monde dans le domaine de la solidarité internationale, de la coopération et du développement, voire même du travail associatif. Et leur profil se rapproche néanmoins de celui des fondateurs. C'est des personnes qui sont médecins, diplômés docteurs en philosophie pour un autre, donc qui ont un habitus plutôt intellectuel, qui sont homosexuels et qui du coup ont été touchés de près par les ravages de l'épidémie dans les années 90 et qui de ce fait s'investissent à aide d'abord comme volontaires et ensuite sont recrutés comme salariés sur les activités nationales et finissent par prendre un poste dans le département des actions internationales. Les nouvelles recrues qui arrivent dans le département à partir de la fin des années 90, eux, c'est des professionnels de l'international. La grande majorité, ils n'ont pas d'expérience préalable comme volontaires, voire même pendant leur salariat, ils sont pas volontaires, à l'exception d'une personne, pardon. Ils ont fait des études supérieures de niveau master dans le domaine de la coopération internationale et leur proximité affective, voire cognitive à la cause de SIDA, elles sont moins présentes que chez leurs prédécesseurs de l'équipe du département. Et puis l'équipe, elle se féminise et elle s'hétérosexualise, puisqu'en 2012, l'équipe est composée de 8 femmes et de 6 hétérosexuels sur les 12 salariés. Et si pour certains et certaines des formes de proximité fortes demeurent à la cause SIDA, hein, c'est pas pour dire qu'ils se considèrent pas comme touchés ou voire concernés, etc. Pas du tout ça l'idée, mais en tout cas ce qu'ils montrent aussi dans leur entretien, c'est que c'est l'ambition de travailler à l'international qui est mise en avant. Par exemple, il y a Vladimir, les noms sont anonymisés, hein, des personnes, à part d'Arnaud Marty Lavozel ou Daniel Defer. Du coup, Vladimir, par exemple, il est diplômé d'un master en humanitaire et solidarité, au cours duquel il a effectué, au cours de ce master, un stage à l'association de lutte contre le sida marocaine. Et il a travaillé d'abord à Aide Lyon et à Aide Martinique, avant d'être embauché au sein du département des actions internationales d'Aide en 2012. Il se considère comme proche de la cause du sida, notamment du fait de son homosexualité. Mais il m'explique que son objectif pour lui, dès le départ, c'était de rejoindre le département des actions internationales et de travailler à l'international. Il dit que dès le départ, il a envisagé ses expériences nationales à Aide comme, je le cite, un marchepied ou comme, je le cite encore, une manière d'avoir accès aux actions internationales de l'association. Du coup, à la fin des années 2000, l'équipe elle est constituée de professionnels de l'international qui sont recrutés pour leur savoir-faire en matière de droits humains, de management de projets d'aide internationale et leur connaissance des enjeux mondialisés du sida et de la santé. Du coup, cette salarisation du département des actions internationales, elle est rendue possible par l'obtention de financements importants et notamment... En 2005, l'obtention de ce qu'on appelle une convention programme, qui est un dispositif de financement du ministère des Affaires étrangères, qui sont des gros financements de plusieurs millions d'euros qui durent 5 ans, et qui sont des dispositifs de cofinancement. En gros, le ministère finance 50% du projet et l'association qui est demandeuse doit fournir 50% de fonds propres. Donc, c'est pas n'importe quelle association qui peut aussi demander ce genre de financement. C'est des associations qui sont en capacité d'amener des fonds propres, en fait, sur des projets. Et donc, c'est dans un contexte... l'obtention de cette convention programme par Aide... Pardon, je recommence. Aide, c'est la première association de lutte contre le sida à obtenir ce type de dispositif de financement. Entre 2001 et 2013, il y a 24 organisations qui bénéficient de ce dispositif de financement. Et Aide entre dans la 6e position de celles qui ont reçu les montants les plus élevés, en gros, sur les 24 organisations. Pardon. Et il y a une autre asso qui bénéficie de ce type de financement, une autre asso de lutte contre SIDA qui bénéficie de ce type de financement, c'est SIDAction, mais c'est né qu'en 2013, alors que Aide c'est en 2005. Et elle obtient une convention programme, du coup, d'un montant 3 fois moins important que celui d'Aide, pour vous donner un peu des indications de comment se positionne Aide un peu plus généralement dans le paysage des ONG, en fait, hein, françaises, quoi. L'action d'Aide dans le cadre de cette convention, elle est plus largement dans le cadre de cette convention, elle vise, je cite, le renforcement des capacités des associations partenaires à l'étranger. Il s'agit là encore de formation, d'accompagnement de longue durée des assos partenaires sur différents sujets, mais notamment la gestion financière, la réponse à des appels d'offres pour des financements, la gouvernance et la vie associative, la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, etc. etc. Et du coup, ce n'est pas anodin de requalifier ces activités en renforcement des capacités. Pourquoi c'est à travers ce terme qu'utilise Aide pour qualifier ces activités? C'est parce qu'en fait, ce terme-là, c'est une nouvelle catégorie d'action publique en fait, dans les années 2000, le renforcement des capacités, qui est considéré comme prioritaire en fait, dans l'action publique de coopération internationale. Et donc, d'une certaine manière, l'association, en requalifiant ses activités de cette manière-là, se légitime aussi des bailleurs de fonds, et notamment du ministère des Affaires étrangères. Et d'une autre manière, je vais moins prendre le temps de le montrer, mais on pourra en rediscuter. À travers ça aussi, ce qui se joue, c'est que Aide suit un peu un tournant managérial en fait, de l'action publique de coopération au début du millénaire. Mais on pourra en rediscuter si vous voulez, parce que je ne peux pas plus le détailler là. Deuxième élément, donc c'est qu'on assiste à une forme de déconnexion entre les actions locales et les actions nationales, internationales d'aide. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que progressivement, il y a de moins en moins de liens entre les activités nationales et les activités internationales, mais aussi et surtout que ces activités, elles produisent d'une certaine manière deux fonctionnements propres au sein de l'association. Pourquoi? Parce que d'une part, il y a la disparition des jumelages. Qui est une des actions internationales dont je vous ai parlé. Au début des années 2000, les jumelages ils sont plus coordonnés par les antennes locales. Jusque-là, les antennes locales, elles étaient autonomes autour de l'idée de mettre en place un jumelage avec telle association sur le contenu des activités qui vont être mises en place, des collaborations, etc. etc. Au début des années 2000, c'est le département des actions internationales qui coordonne ces jumelages. Et puis en quelques années, en fait, il est décidé qu'on abandonne l'activité des jumelages. Ça se fait sous l'impulsion du DG, du directeur général de l'époque, qui critique leur caractère, je cite, caritatif des jumelages, ou encore déconnecté de, je cite, l'esprit de aide. Et du coup, ça veut dire, l'esprit de aide, il m'explique que ça veut dire la mobilisation des malades sur place. Il ajoute en entretien, il me dit, on n'est pas le secours catholique, nous, hein. Et ça montre aussi une forme de distance, de mise à distance d'une approche qualifiée d'humanitaire dont tu parlais hier, Gabriel, en fait, en faveur d'une approche davantage communautaire et de la mobilisation des personnes sur place et non pas d'une aide considérée comme humanitaire, caritative, etc., etc. Donc disparition des jumelages. Et puis il y a aussi des tensions et une distance qui se met en place entre les acteurs locaux, nationaux et celles et ceux des actions internationales. Puisque les actions internationales ne mobilisent pas de volontaires en fait. Il n'y a pas de volontaires qui se mobilisent sur les actions internationales. À part à une exception près, en fait, il y a un volontaire proche de la direction et de du CA qui, à la fin des années 2000, est mandaté comme volontaire national pour représenter l'association et s'investir bénévolement sur les actions internationales. Mais c'est quelqu'un qui est proche du CA, qui a un volontaire salarié pour reprendre les catégories que je vous ai présentées avant, qui a occupé des postes de direction au niveau local et au niveau national. Enfin, c'est une personne qui est proche de la direction et de l'élite, en fait, de l'association. Et donc, il s'engage bénévolement sur les activités internationales. Mais c'est un peu le seul. À part ça, il n'y a pas de volontaire du territoire national qui s'investit sur ces actions-là. Il y a une forme de centralisation, en fait, des actions internationales. Et ça produit des critiques en interne autour de la déconnexion de ce secteur d'activité avec le reste du fonctionnement de l'asso. Et à ce propos, il y a un ancien volontaire salarié d'une délégation régionale qui m'expliquait en entretien, je le cite, il me dit « Je connaissais le réseau Afrique 2000 vaguement, mais ça me paraissait toujours un peu nébuleux parce que ce qui était rapporté, c'est que c'était la chasse gardée de quelques administrateurs et il y avait eu une tentative de jumelage avec l'antenne locale dont il faisait partie, mais qui n'avait pas fait long feu. Et en fait, dans le réseau de aide, dans les antennes locales, les gens avaient envie de s'investir, mais ne savaient pas sous quelle forme. Ça n'était pas très structuré et c'était pas très ouvert. » Il y a eu plusieurs initiatives, en fait. La direction et le CA ont pris conscience, enfin, avaient conscience de cette déconnexion-là, bien sûr. Et du coup, il y a eu plusieurs initiatives pour essayer de pallier à cette distance-là. En 2008, par exemple, il y a le groupe national international qui a été créé dans l'objectif de permettre un dialogue, en fait, entre les salariés. Mais ça n'a pas duré très longtemps et ça a disparu en 2013. Et je vous ai mis, je ne vais pas la lire, je n'ai pas le temps, quoique, j'ai 10 minutes, on peut la lire. Une membre du CA de Aide me disait en entretien à propos de ce groupe national international, elle me disait ce qu'on a vu dans le groupe, c'était le décalage entre le niveau d'expertise de l'équipe des programmes internationaux qui était salariée, qui faisait un travail remarquable, mais avec un grand niveau d'expertise et une vraie difficulté pour eux parfois de se mettre au niveau des gens du réseau. Du réseau, ça veut dire le réseau national de Aide. Et ça, ça n'a pas été facile. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ont décroché parce qu'elles ne pigeaient pas forcément tout ce qui se discutait. Enfin, même nous, parfois, en tant qu'administrateurs, on était largués. Donc, on peut très bien comprendre que pour des gens du réseau, c'était encore plus difficile. On a toujours eu ce problème dans Aide entre comment est-ce que les personnes qui travaillent sur les programmes internationaux pensent systématiquement au réseau national et comment elles diffusent ce qu'elles font. Je trouve qu'on n'a toujours pas résolu ce problème à l'heure d'aujourd'hui. J'ai rencontré 5 membres du CA de Aide qui m'ont été présentés comme les personnes les plus au courant des actions internationales. Je les ai rencontrés en entretien. Elles étaient toutes administrateurs et administratrices depuis plus de 10 ans de l'association. Et elles avaient pourtant une compréhension très générale, en fait, elles aussi, des actions internationales de Aide. Et du coup, ce que ça produit, ça, c'est la professionnalisation du département des actions internationales tout au long de la décennie 2000. Ça a conduit d'une certaine manière à ce que le service soit essentiellement dirigé par les salariés de l'association et plus précisément par le DG et quelques proches administrateurs. Sous la responsabilité de professionnels de l'international, le département est devenu en quelque sorte un secteur à part, déconnecté du travail et des actions quotidiennes des acteurs et actrices au niveau national. Ces critiques, qui ont été de plus en plus montantes dans l'association, mais aussi d'autres critiques de la part des partenaires africains, j'ai pas du tout parlé de ce qui se joue dans les collaborations africaines, c'était pas l'enjeu de la présentation aujourd'hui, mais en tout cas, il y a aussi d'autres critiques du côté des représentants associatifs des associations africaines qui émergent autour du fait qu'il y a une approche trop verticale de l'action de Aide à l'international et qui ont envie davantage d'autonomie. Donc ces différentes critiques-là... Et aussi le recrutement d'un nouveau DG au sein de Aide conduit au transfert progressif des actions de Aide à l'international dans une nouvelle structure qui est nommée Coalition Plus. Ce transfert, il se fait progressivement entre 2012 et 2016. Et en 2016, le département des actions internationales de Aide ferme. Coalition Plus, c'est une association qui a donc été initiée par Aide et ce nouveau directeur général qui réunit au départ Aide et 3 autres associations étrangères du Mali, une association partenaire historique de Aide, la fameuse association du Maroc et une association du Québec. J'ai pas du tout le temps d'aborder non plus le fonctionnement de cette structure, Coalition Plus. Mais voilà, c'est un peu pour clore cette histoire un peu de l'internationalisation de Aide jusqu'à la disparition en fait des activités en 2016. 2016 qui est le moment où moi j'ai arrêté mon terrain, par ailleurs. Voilà un petit peu pour cette présentation très générale de ce qui s'est joué autour des enjeux d'internationalisation à Aide. Et tout ça, ben, qu'est-ce que ça permet de voir un peu pour en conclusion? Il me semble que cet exemple-là, ce cas-là, en fait, permet de réaffirmer l'importance, je le disais en introduction, de localiser l'action et le travail associatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire situer socialement déjà l'action associative. Ça veut dire comprendre qui est à l'origine de telle ou telle activité ou pan d'activité, qui la porte. Comment les dispositions et les trajectoires sociales des personnes parties prenantes dans ces activités conditionnent le devenir de ces activités. Situer aussi historiquement l'action associative, c'est ce que tu as montré hier aussi, Gabriel, mais Aide à la fin des années 80, au début des années 90, au début des années 2000, voire même aujourd'hui, n'a rien à voir en fait, c'est pas la même association. Elle s'adapte, tu le disais, Ed, et c'est une grande capacité en fait de cette association-là et qui a conduit à ce qu'elle perdure en fait au travers du temps. Elle s'adapte aux changements globaux, mais aussi et nationaux, mais elle participe aussi de ces changements. Elle n'est pas juste en position d'adaptabilité. Et donc s'intéresser à Ed, cette PME associative, comme tu disais hier, historique de l'action anti-sida en France, présente dans une grande partie du territoire. Ça demande donc de faire ce travail toujours de contextualisation, afin de pas produire des analyses qui soient unifiées en fait de cette entité qui est en fait très hétérogène en fonction des espaces dans laquelle auxquels on s'intéresse en fait de cette association là et des acteurs auxquels on s'intéresse. L'activité internationale d'aide n'a rien à voir avec l'activité stéphanoise d'aide avant que ça devienne Actis par exemple quoi. Ce travail aussi, où l'idée, à travers cette présentation, c'est de montrer aussi l'intérêt d'adopter des niveaux d'analyse complémentaires pour positionner l'action associative. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire adopter, par exemple, une démarche et un niveau micro d'analyse, c'est-à-dire comprendre les trajectoires sociales, les relations et interactions sociales qui se jouent au sein même de AIDE, comprendre quelles ont été les relations, les tensions, les concurrences, mais aussi les alliances entre les acteurs au niveau interne. Mais aussi adopter un niveau méso. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire comprendre et analyser quelle position a AIDE dans le paysage plus large de la lutte contre le sida française et internationale. Quelle est sa position dans l'espace associatif sida français ? Et du coup, une des choses que je montre dans ma thèse, c'est que cette position-là de AIDE, en tout cas en ce qui concerne les actions internationales, elle occupe une position donc d'opératrice d'une certaine manière de l'action publique étrangère française contre le sida, mais aussi de coproductrice de cette action publique et de représentante de la politique française dans les organisations internationales. Et puis, j'en ai moins parlé aussi, enfin, j'en ai même pas parlé du tout, mais l'action internationale de l'association, elle participe aussi à renforcer sa position, j'utilise le terme de Pinel et Thiodière dans leur bouquin de 2002, position quasi monopolistique de AIDE dans l'espace associatif SIDA français, en comparaison des autres assos du même type, une position qui a perduré depuis 40 ans.